Chapitre 2. Expédition hiératique. La tribu de Piéou s'arrêta à la porte du grand tabernacle nomade où les chefs seuls entrèrent. Dans le fond, rempli d'astres, sous l'image mâle du soleil, se tenaient les trois grands prêtres. Plus bas qu'eux, sur les degrés dorés, les 12 sacrificateurs inférieurs. Le héros s'avança, dit au long la terrifique traversée de la forêt de Xur, que les prêtres écoutaient, très graves, étonnés, sentant un amoindrissement de leur puissance devant cette aventure inconcevable. Le suprême grand prêtre exigea que la tribu offrît au soleil 12 taureaux, 7 onagres, 3 étalons. Il reconnut aux formes les attributs divins, et après les sacrifices, résolut une expédition hiératique. Tous les prêtres, tous les chefs de la nation Zahelal devaient y assister, et des messagers parcoururent les monts et les plaines, à 100 lieues autour de la place où s'éleva plus tard l'Ekbatan des mages. Partout la ténébreuse histoire faisait se dresser le poil des hommes. Partout les chefs obéirent précipitamment à l'appel sacerdotal. Un matin d'automne, le mâle perça les nues, inonda le tabernacle, atteignit l'autel où fumait un cœur saignant de taureaux. Les grands prêtres, les immolateurs, 50 chefs de tribu poussèrent le cri triomphal. 100 000 nomades au dehors, foulant la rosée fraîche, répétèrent la clameur, tournant leurs têtes tannées vers la prodigieuse forêt de Xur, mollement frissonnante. Le présage était favorable. Alors, les prêtres en tête, tout un peuple marcha à travers les bois. Dans l'après-midi, vers 3 heures, le héros de Piéou arrêta la multitude. La grande clairière, roussie par l'automne, un flot de feuilles mortes cachant ses mousses, s'étendait avec majesté. Sur les bords de la source, les prêtres aperçurent ce qu'ils venaient adorer et apaiser, les formes. Elles étaient douces à l'œil, sous l'ombre des arbres, avec leurs nuances tremblantes, le feu pur de leurs étoiles, leur tranquille évolution au bord de la source. « Il faut, dit le grand prêtre suprême, offrir ici le sacrifice, qu'ils sachent que nous nous soumettons à leur puissance. » Tous les vieillards s'inclinèrent. Une voix s'éleva cependant. C'était Yushik, de la tribu de Nîmes, jeune conteur d'astres, pâle veilleur prophétique, de renommée débutante, qui demanda audacieusement d'approcher plus près des formes. Mais les vieillards, blanchis dans l'art des sages paroles, triomphèrent. L'autel fut construit, la victime amenée, un éblouissant étalon, superbe serviteur de l'homme. Alors, dans le silence, la prosternation d'un peuple, le couteau d'airain trouva le noble cœur de l'animal. Une grande plainte s'éleva. Et le grand prêtre, « Êtes-vous apaisé, ô Dieu ?» Là-bas, parmi les troncs silencieux, les formes circulaient toujours, se faisant reluire, préférant les places où le soleil coulait en ondes plus denses. « Oui, oui !» cria l'enthousiaste, « ils sont apaisés !» Et saisissant le cœur chaud de l'étalon, sans que le grand prêtre, curieux, prononçât une parole, Yushik se lança par la clairière. Des fanatiques, avec des hurlements, le suivirent. Lentement, les formes ondulaient, se massant, rasant le sol, puis, soudain précipité sur les téméraires, un lamentable massacre épouvanta les 50 tribus. 6 ou 7 fugitifs, à grands efforts, poursuivis avec acharnement, purent atteindre la limite. Le reste avait vécu, et Yushik avec eux. « Ce sont des dieux inexorables, » dit solennellement le suprême grand prêtre. Puis un conseil s'assembla, le vénérable conseil des prêtres, des ancêtres et des chefs. Ils décidèrent de tracer, au-delà de la limite du salut, une enceinte de pieux et de forcer, pour la détermination de cette enceinte, des esclaves à s'exposer à l'attaque des formes sur tout le pourtour successivement. Et cela fut fait. Sous menace de mort, des esclaves entrèrent dans l'enceinte. Très peu pourtant y périrent, par l'excellence des précautions. la frontière se trouva fermement établie, rendue à tous visible par son pourtour de pieux. Ainsi finit heureusement l'expédition hiératique, et les Ahelal se crurent abrités contre le subtil ennemi.